En 4 jours, on se trouva dans la riante vallée de Rocknabad. Le printemps y était dans toute sa vigueur, et les branches grotesques des amandiers en fleurs se découpaient sur l'azur d'un ciel étincelant. La terre jonchée d'hyacinthes et de jonquilles exhalait une douce odeur. Des milliers d'abeilles et presque autant de centons y faisaient leur demeure. On voyait alternativement rangées sur les bords du ruisseau des ruches et des oratoires, dont la propreté et la blancheur étaient relevées par le vert brun des hauts cyprès. Les pieux solitaires s'amusaient à cultiver de petits jardins remplis de fruits et surtout de melons musqués, les meilleurs de la Perse. Quelquefois on les voyait épars dans la prairie, s'amusant à nourrir des paons plus blancs que la neige et des tourterelles azurées. Ils étaient ainsi occupés quand les avant-coureurs du cortège impérial crièrent à haute voix « Habitants de Rocknabad, prosternez-vous sur les bords de vos sources limpides et rendez grâce au ciel qui vous montre un rayon de sa gloire. Voici le commandeur des croyants qui approche. » Les pauvres centons, remplis d'un saint empressement, se hâtèrent d'allumer des cierges dans tous les oratoires, déployèrent leurs alcorans sur des lutrins d'ébène et allèrent au-devant du calife avec de petits paniers remplis de figues, de miel et de melons. Pendant qu'ils s'avançaient en procession et à pas comptés, les chevaux, les chameaux et les gardes faisaient un horrible dégât parmi les tulipes et les autres fleurs de la vallée. Les centons ne pouvaient s'empêcher de jeter un œil de pitié sur ces ravages, tandis que de l'autre, ils regardaient le calife et le ciel. Nourognar, enchanté de ces beaux lieux qui lui rappelaient les aimables solitudes de son enfance, pria Vatek de s'arrêter. Mais ce prince, pensant que tous ces petits oratoires pouvaient passer dans l'esprit du Djaour pour une habitation, ordonna à ses pionniers de les abattre. Les centons restèrent pétrifiés alors qu'on exécutait cet ordre barbare. Ils pleuraient à chaudes larmes, et Vatek les fit chasser à coups de pied par des eunuques. Alors il descendit de sa litière avec Nourognar, et ils se promenèrent dans la prairie, tout en cueillant des fleurs et en se disant des gaillardises. Mais les abeilles, qui étaient bonnes musulmanes, se crurent obligés de venger la querelle de leur cher maître, les centons, et s'acharnèrent tellement à les piquer qu'ils furent trop heureux que leurs tentes se trouvassent prêtes à les recevoir. Baba Balouk, auquel l'embonpoint des paons et des tourterelles n'avait pas échappé, en fit mettre tout de suite quelques douzaines à la broche, et autant en fricasser. On mangeait, on riait, on trinquait, on blasphémait à plaisir, quand tous les moulas, tous les cheikhs, tous les cadis et tous les imams de Shiraz, qui n'avaient pas apparemment rencontré les centons, arrivèrent avec des ânes parés de guirlandes, de rubans et de sonnettes d'argent et chargés de tout ce qu'il y avait de meilleur dans le pays. Ils présentèrent leurs offres au calife en le suppliant d'honorer leur ville et leur mosquée de sa présence. « Oh, pour cela, dit Vatek, je m'en garderai bien. J'accepte vos présents et vous prie de me laisser tranquille, car je n'aime pas résister à la tentation. Mais comme il n'est pas décent que des gens aussi respectables que vous s'en retournent à pied, et que vous avez les mines d'être d'assez mauvais cavaliers, mes eunuques auront la précaution de vous lier sur vos ânes, et prendront surtout bien garde que vous ne me tourniez pas le dos, car ils savent l'étiquette. » Il y avait parmi eux de vigoureux cheikhs qui, croyant que Vatek était fou, en disaient tout haut leur opinion. Baba Balouk prit soin de les faire garrotter à double corde, et piquant tous les ânes avec des épines, ils partirent au grand galop, tout en ruant et s'entrechoquant de la manière la plus plaisante du monde. Nourognar et son calife jouissaient à l'envi l'un de l'autre de cet indigne spectacle. Ils faisaient de grands éclats de rire, lorsque les vieillards tombaient avec leurs montures dans le ruisseau, et que les uns devenaient boiteux, d'autres manchots, d'autres brèches-dents, ou pire encore. On passa 2 jours fort délicieusement à Rocknabad, sans y être troublé par de nouvelles ambassades. Le 3e, on se remit en marche, on laissa Shiraz à la droite, et on gagna une grande plaine d'où l'on découvrait à l'extrémité de l'horizon les noirs sommets des montagnes d'Istakhar. À cette vue, le calife et Nourognar, ne pouvant contenir les transports de leur âme, sautèrent de la litière en bas et firent des exclamations qui étonnèrent tous ceux qui étaient à portée de les entendre. « Allons-nous dans des palais rayonnants de lumière ? » se demandait-il l'un à l'autre. ou bien dans des jardins plus délicieux que ceux de Shedad. Les pauvres mortels, c'est ainsi qu'ils se répandaient en conjecture. L'abîme des secrets du Tout-Puissant leur était caché. Cependant, les bons génies, qui veillaient encore un peu sur la conduite de Vatek, se rendirent dans le septième ciel auprès de Mahomet et lui dirent « Miséricordieux prophète, tendez vos bras propices à votre vicaire, ou il tombera sans ressources dans les pièges que les divins nos ennemis lui ont dressés. Le Diaour l'attend dans l'abominable palais du feu souterrain. S'il y met le pied, il est perdu sans retour. » Mahomet répondit avec indignation « Il n'a que trop mérité d'être laissé à lui-même. Toutefois, je consens que vous fassiez encore un effort pour le détourner de son entreprise. » Soudain, un bon génie prit la figure d'un berger, plus renommé pour sa piété que tous les derviches et les santons du pays. Il se plaça sur la pente d'une petite colline auprès d'un troupeau de brebis blanches et commença à jouer sur un instrument inconnu des airs dont la touchante mélodie pénétrait l'âme, réveillait les remords et chassait toute pensée frivole. À des sons si énergiques, le soleil se couvrit d'un sombre nuage et les eaux d'un petit lac, plus clair que le cristal, devinrent rouges comme du sang. Tous ceux qui composaient le pompeux cortège du calife furent attirés, comme malgré eux, du côté de la colline. Tous baissèrent les yeux et restèrent consternés. Chacun se reprochait le mal qu'il avait fait. Le cœur battait à Dilara, et le chef des eunuques, d'un air contrit, demandait pardon aux femmes de ce qu'il les avait souvent tourmentées pour sa propre satisfaction. Batek et Nouronnihar pâlissaient dans leur litière, et se regardant d'un œil hagard, se reprochaient à eux-mêmes l'un mille crimes des plus noirs, mille projets d'une ambition impie, et l'autre la désolation de sa famille et la perte de Gulchenrouz. Nouronnihar croyait entendre dans cette fatale musique les cris de son père expirant, et Batek les sanglots des 50 enfants qu'il avait sacrifiés au Diaour. Dans ses angoisses, ils étaient toujours entraînés vers le berger. Sa physionomie avait quelque chose de si imposant que pour la première fois de sa vie, Batek perdit contenance, tandis que Nouronnihar se cachait le visage avec les mains. La musique cessa, et le génie, adressant la parole au calife, lui dit « Prince insensé, à qui la Providence a confié le soin des peuples, est-ce ainsi que tu réponds à ta mission? Tu as mis le comble à tes crimes. Te hâtes-tu à présent de courir à ton châtiment? Tu sais qu'au-delà de ces montagnes, Eblis et ses dives maudits tiennent leur funeste empire. Et, séduit par un malin fantôme, tu vas te livrer à eux. C'est ici le dernier instant de grâce qui t'est donné. Abandonne ton atroce dessein, retourne sur tes pas, rends Nouronnihar à son père qui a encore quelques restes de vie, détruis la tour avec toutes ses abominations, chasse Caratis de tes conseils, sois juste envers tes sujets, respecte les ministres du prophète, répare tes impiétés par une vie exemplaire, et au lieu de passer tes jours dans les voluptés, va pleurer tes crimes sur les tombeaux de tes pieux ancêtres. Vois-tu ces nuages qui te cachent le soleil? Au moment où cet astre reparaîtra, si ton cœur n'est pas changé, le temps de la miséricorde sera passé pour toi. » Batek, saisi de crainte et chancelant, était sur le point de se prosterner devant le berger qu'il sentait bien devoir être d'une nature supérieure à l'homme. Mais son orgueil l'emporta, et levant audacieusement la tête, il lança un de ses terribles regards. « Qui que tu sois, lui dit-il, cesse de me donner d'inutiles avis. Ou tu veux me tromper, ou tu te trompes toi-même. Si ce que j'ai fait est aussi criminel que tu le prétends, il ne saurait y avoir pour moi un moment de grâce. J'ai nagé dans une mer de sang pour arriver à une puissance qui fera trembler tes semblables. Ne te flatte donc pas que je recule à la vue du port, ni que je quitte celle qui m'est plus chère que la vie et que ta miséricorde. Que le soleil reparaisse, qu'il éclaire ma carrière, que m'importe où elle finira. » En disant ces mots, qui firent frémir le génie lui-même, Batek se précipita dans les bras de Nouronnihar et commanda de forcer les chevaux à reprendre la grande route. On n'eut pas de peine à exécuter cet ordre. L'attraction n'existait plus, le soleil avait repris tout l'éclat de sa lumière, et le berger avait disparu en jetant un cri lamentable. La fatale impression de la musique du génie était cependant restée dans le cœur de la plupart des gens de Vatek. Ils se regardaient les uns les autres avec effroi. Dès la nuit même, presque tous s'échappèrent, et il ne resta de ce nombreux cortège que le chef des eunuques, quelques esclaves idolâtres, Dilara et un petit nombre d'autres femmes qui suivaient comme elles la religion des mages. Le calife, dévoré par l'ambition de donner des lois aux intelligences ténébreuses, s'embarrassa peu de cette désertion. Le bouillonnement de son sang l'empêchant de dormir, il ne campa plus comme à l'ordinaire. Nourognar, dont l'impatience surpassait, s'il se peut, la sienne, le pressait de hâter sa marche et, pour l'étourdir, lui prodiguait mille tendres caresses. Elle se croyait déjà plus puissante que Balkis et s'imaginait voir les génies prosternés devant l'estrade de son trône. Ils s'avancèrent ainsi au clair de la lune jusqu'à la vue des deux rochers élancés qui formaient comme un portail à l'entrée du vallon dont l'extrémité était terminée par les vastes ruines d'Istakar. Presque au sommet de la montagne, on découvrait la façade de plusieurs sépulcres de rois, dont les ombres de la nuit augmentaient l'horreur. On passa par deux bourgades presque entièrement désertes. Il n'y restait plus que deux ou trois faibles vieillards qui, en voyant les chevaux et les litières, se mirent à genoux en s'écriant « Ciel, est-ce encore de ces fantômes qui nous tourmentent depuis 6 mois ?» Hélas ! Nos gens effrayés de ces étranges apparitions et du bruit qu'on entend sous les montagnes nous ont abandonnés à la merci des esprits malfaisants. » Ces plaintes semblaient de mauvais augure au calife. Il fit passer ses chevaux sur les corps des pauvres vieillards et arriva enfin au pied de la grande terrasse de marbre noir. Là, il descendit de sa litière avec Nourognar. Le cœur palpitant et portant des regards égarés sur tous les objets, ils attendirent avec un tressaillement involontaire l'arrivée du Djaour. Mais rien ne l'annonçait encore. Un silence funèbre régnait dans les airs et sur la montagne. La lune réfléchissait sur la grande plateforme l'ombre des hautes colonnes qui s'élevaient de la terrasse presque jusqu'aux nues. Ces tristes phares, dont le nombre pouvait à peine se compter, n'étaient couverts d'aucun toit, et leurs chapiteaux, d'une architecture inconnue dans les annales de la terre, servaient de retraite aux oiseaux nocturnes qui, alarmés à l'approche de tant de monde, s'enfuirent en croassant. Le chef des eunuques, transi de peur, supplia Vatek de permettre qu'on allumât du feu et qu'on prît quelque nourriture. « Non, non !» répondit le calife. « Il n'est plus temps de penser à ces sortes de choses. Reste où tu es et attends mes ordres. » En disant ces mots d'un ton ferme, il présenta la main à Nourognar et, montant les degrés d'une vaste rampe, parvint sur la terrasse qui était pavée de carreaux de marbre et semblable à un lac uni où mille herbes ne peut croître, à la droite, étaient des phares rangés devant les ruines d'un palais immense dont les murs étaient couverts de diverses figures. En face, on voyait les statues gigantesques de 4 animaux qui tenaient du griffon et du léopard et qui inspiraient l'effroi. Non loin d'eux, on distinguait à la clarté de la lune, qui donnait particulièrement sur cet endroit, des caractères semblables à ceux qui étaient sur les sabres du Djaour. Ils avaient la même vertu de changer à chaque instant. Enfin, ils se fixèrent en lettres arabes, et le calife y lut ces mots. « Vatek, tu as manqué aux conditions de mon parchemin. Tu mériterais d'être renvoyé. Mais en faveur de ta compagne et de tout ce que tu as fait pour l'acquérir, Eblis permet qu'on t'ouvre la porte de son palais et que le feu souterrain te compte parmi ses adorateurs. » À peine avait-il lu ces mots que la montagne contre laquelle la terrasse était adossée trembla et que les phares semblèrent s'écrouler sur leur tête. Le rocher s'entr'ouvrit et laissa voir dans son sein un escalier de marbre poli qui paraissait devoir toucher à l'abîme. Sur chaque degré étaient posés 2 grands cierges semblable à ceux que Nourognar avait vus dans sa vision et dont la vapeur camphrée s'élevait en tourbillon sous la voûte. Ce spectacle, au lieu d'effrayer la fille de Fakreddin, lui donna un nouveau courage. Elle ne daigna pas seulement prendre congé de la lune et du firmament, et sans hésiter, quitta l'air pur de l'atmosphère pour se plonger dans des exhalaisons infernales. La marche de ces 2 impies était fière et décidée. En descendant à la vive lumière de ses flambeaux, Ils s'admiraient l'un l'autre et se trouvaient si resplendissants qu'ils se croyaient des intelligences célestes. La seule chose qui leur donnait de l'inquiétude, c'était que les degrés ne finissaient point. Comme ils se hâtaient avec une ardente impatience, leurs pas s'accélérèrent à un point qu'ils semblaient tomber rapidement dans un précipice plutôt que marcher. À la fin, ils furent arrêtés par un grand portail d'ébène que le calife n'eut pas de peine à reconnaître. C'était là que le Djaour l'attendait avec une clé d'or à la main. « Soyez les bienvenus en dépit de Mahomet et de toute sa séquelle, » leur dit-il avec son affreux sourire. « Je vais vous introduire dans ce palais où vous avez si bien acquis une place. » En disant ces mots, il touchait de sa clé la serrure émaillée, et aussitôt les deux battants s'ouvrirent avec un bruit plus fort que le tonnerre de la canicule et se refermèrent avec le même bruit dès le moment qu'ils furent entrés. Le calife et Nouronnihar se regardèrent avec étonnement, en se voyant dans un lieu qui, quoique voûté, était si spacieux et si élevé, qu'ils le prirent d'abord pour une plaine immense. Leurs yeux s'accoutumant enfin à la grandeur des objets, ils découvrirent des rangs de colonnes et des arcades qui allaient en diminuant et se terminaient en un point radieux comme le soleil lorsqu'il darde sur la mer ses derniers rayons. Le pavé, semé de poudre d'or et de safran, exhalait une odeur si subtile qu'ils en furent comme étourdis. Ils avancèrent cependant et remarquèrent une infinité de cassolettes où brûlaient de l'ambre gris et du bois d'aloès. Entre les colonnes étaient des tables couvertes d'une variété innombrable de mets et de toutes sortes de vins qui pétillaient dans les vases de cristal. Une foule de djinns et autres esprits follets des deux sexes dansaient lascivement par bandes au son d'une musique qui résonnait sous leurs pas. Au milieu de cette salle immense se promenait une multitude d'hommes et de femmes qui tous, tenant la main droite sur le cœur, ne faisaient attention à nul objet et gardaient un profond silence. Ils étaient tous pâles comme des cadavres, et leurs yeux enfoncés dans leur tête ressemblaient à ces phosphores qu'on aperçoit la nuit dans les cimetières. Les uns étaient plongés dans une profonde rêverie, les autres écumaient de rage et couraient de tous côtés comme des tigres blessés d'un trait empoisonné. Tous s'évitaient, et quoique au milieu d'une foule, chacun errait au hasard comme s'il avait été seul. À l'aspect de cette funeste compagnie, Batek et Nouronnihar se sentirent glacés d'effroi. Ils demandèrent avec importunité au Djaour ce que tout cela signifiait, et pourquoi tous ces spectres ambulants n'ôtaient jamais leur main droite de dessus leur cœur. « Ne vous embarrassez pas de tant de choses à l'heure qu'il est, » leur répondit-il brusquement. « Vous saurez tout dans peu. Hâtons-nous de nous présenter devant Iblis. » Ils continuèrent donc à marcher à travers tout ce monde. Mais malgré leur première assurance, ils n'avaient pas le courage de faire attention aux perspectives des salles et des galeries, qui s'ouvraient à droite et à gauche. Elles étaient toutes éclairées par des torches ardentes et par des brasiers dont la flamme s'élevait en pyramide jusqu'au centre de la voûte. Ils arrivèrent enfin en un lieu où de longs rideaux de brocart cramoisi et or tombaient de toutes parts dans une confusion imposante. Là, on n'entendait plus les chœurs de musique ni les danses. La lumière qui pénétrait semblait venir de loin. Batek et Nouronnihar se firent jour à travers ces draperies et entrèrent dans un vaste tabernacle tapissé de peaux de léopard. Un nombre infini de vieillards à longue barbe, d'afrites en complète armure, étaient prosternés devant les degrés d'une estrade, au haut de laquelle, sur un globe de feu, paraissait assis le redoutable Iblis. Sa figure était celle d'un jeune homme de 20 ans, dont les traits nobles et réguliers semblaient avoir été flétris par des vapeurs malignes. Le désespoir et l'orgueil étaient peints dans ses grands yeux, et sa chevelure ondoyante tenait encore un peu de celle d'un ange de lumière. Dans sa main délicate, mais noircie par la foudre, il tenait le sceptre d'airain qui fait trembler le monstre Ouranbad, les Afrites et toutes les puissances de l'abîme. À cette vue, le calife perdit toute contenance et se prosterna la face contre terre. Nouronnihar, quoique éperdu, ne pouvait s'empêcher d'admirer la forme d'Eblis, car elle s'était attendue à voir quelque géant effroyable. Iblis, d'une voix plus douce qu'on aurait pu le supposer, mais qui portait la noire mélancolie dans l'âme, leur dit Créature d'argile, je vous reçois dans mon empire. Vous êtes du nombre de mes adorateurs. Jouissez de tout ce que ce palais offre à votre vue. Des trésors des sultans préadamites, de leurs sabres foudroyants et des talismans qui forceront les dives à vous ouvrir les souterrains de la montagne de Kaf, qui communiquent à ceux-ci. Là, vous trouverez de quoi contenter votre curiosité insatiable. Il ne tiendra qu'à vous de pénétrer dans la forteresse d'Aerman et dans les salles d'Argenk, où sont peintes toutes les créatures raisonnables et les animaux qui habitaient la terre avant la création de cet être méprisable que vous appelez le père des hommes. Batek et Nouronihar se sentirent consolés et rassurés par cette harangue. Ils dirent avec vivacité au Djaour « Conduisez-nous bien vite au lieu où sont ces talismans précieux. »« Venez, » répondit ce méchant dive avec sa grimace perfide. « Venez, vous posséderez tout ce que notre maître vous promet, et bien davantage. » Alors il leur fit enfiler une longue allée qui communiquait au tabernacle. Il marchait le premier à grands pas, et ses malheureux disciples le suivaient avec joie. Ils arrivèrent à une salle spacieuse, couverte d'un dôme fort élevé autour de laquelle on voyait 50 portes de bronze fermées avec des cadenas d'acier. Il régnait en ce lieu une obscurité funèbre, et sur des lieux d'un cèdre incorruptible étaient étendus les corps décharnés des fameux rois préadamites, jadis monarques universels sur la terre. Ils avaient encore assez de vie pour connaître leur déplorable état. Leurs yeux conservaient un triste mouvement. Ils s'entre-regardaient languissamment l'un l'autre et tenaient tous la main droite sur leur cœur. À leurs pieds, on voyait des inscriptions qui retraçaient les événements de leur règne, leur puissance, leur orgueil et leurs crimes. Soliman Rad, Soliman Daki et Soliman Dijan Benjan, qui après avoir enchaîné les dives dans les ténébreuses cavernes de Kaf, devinrent si présomptueux qu'ils doutèrent de la puissance suprême, tenaient là un rang distingué, mais non pas comparable à celui du prophète Soliman Ben Daoud. Ce roi, si renommé par sa sagesse, était sur la plus haute estrade et immédiatement sous le dôme. Il paraissait avoir plus de vie que les autres, et quoiqu'il poussât de temps en temps de profonds soupirs et tînt la main droite sur le cœur comme ses compagnons, son visage était plus serein, et il semblait être attentif au bruit d'une cataracte d'eau noire qu'on entrevoyait à travers l'une des portes qui était grillée. Nul autre bruit n'interrompait le silence de ces lieux lugubres. Une rangée de vases d'airain entourait l'estrade. Ôte les couvercles de ces dépôts cabalistiques, dit le Djaour à Batek. Prends les talismans qui brisent toutes ces portes de bronze et te rendront le maître des trésors qu'elles renferment et des esprits qui en ont la garde. Le calife, que cet appareil sinistre avait entièrement déconcerté, s'approcha des vases en chancelant et pensa expirer de terreur quand il entendit les gémissements de Souleyman que dans son trouble il avait pris pour un cadavre. Alors une voix, sortant de la bouche livide du prophète, articula ces mots. « Pendant ma vie, j'occupais un trône magnifique. À ma droite étaient 12 000 sièges d'or, où les patriarches et les prophètes écoutaient ma doctrine. À ma gauche, les sages et les docteurs, sur autant de trônes d'argent, assistaient à mes jugements. Tandis que je rendais ainsi justice à des multitudes innombrables, les oiseaux, voltigeant sans cesse sur ma tête, me servaient de dais contre les ardeurs du soleil. Mon peuple fleurissait, mes palais s'élevaient jusqu'aux nues. Je bâtis un temple au Très-Haut qui fut la merveille de l'univers. Mais je me laissais lâchement traîner par l'amour des femmes et par une curiosité qui ne se bornait pas aux choses sublunaires. J'écoutais les conseils d'Aerman et de la fille de Pharaon. J'adorais le feu et les astres, et quittant la ville sacrée, je commandais au génie de construire les superbes palais d'Istakar et la terrasse des phares, dont chacun était dédié à une étoile. Là, pendant un temps, je jouis en plein de la splendeur du trône et des voluptés. Non seulement les hommes, mais encore les génies m'étaient soumis. Je commençais à croire, ainsi que l'ont fait ces malheureux monarques qui m'entourent, que la vengeance céleste était assoupie, lorsque la foudre brisa mes édifices et me précipita dans ce lieu. Je n'y suis cependant pas, comme tous ceux qui l'habitent, entièrement dépourvu d'espérance. Un ange de lumière m'a fait savoir qu'en considération de la piété de mes jeunes années, mes tourments finiront lorsque cette cataracte, je compte les gouttes, cessera de couler. Mais hélas, quand arrivera ce temps si désiré? Je souffre, un feu impitoyable déborde mon cœur. En disant ces mots, Suleyman éleva ses deux mains vers le ciel en signe de supplication, et le calife vit que son sein était d'un cristal transparent, au travers duquel on découvrait son cœur brûlant dans les flammes. À cette terrible vue, Nouronnihar tomba comme pétrifié dans les bras de Vatek. « Oh, Djaour ! » s'écria ce malheureux prince. « Dans quel lieu nous as-tu conduit ? Laisse-nous en sortir. Je te tiens quitte de toutes tes promesses. Oh, Mahomet, n'y a-t-il plus de miséricorde pour nous ?»« Non, il n'y en a plus, » répondit le malfaisant d'Yves. « Sachez que c'est ici le séjour du désespoir et de la vengeance. Ton cœur sera embrasé comme celui de tous les adorateurs d'Eblis. Peu de jours te sont donnés avant ce terme fatal. Emploie-le comme tu voudras. Couche sur des monceaux d'or, commande aux puissances infernales, parcours tous ces immenses souterrains à ton gré, aucune porte ne te sera fermée. Quant à moi, j'ai rempli ma mission et je te laisse à toi-même. » En disant ces mots, il disparut. Le calife et Nouronnihar restèrent dans un accablement mortel. Leurs larmes ne pouvaient couler, à peine pouvaient-ils se soutenir. Enfin, ils se prirent tristement par la main et sortirent en chancelant de cette salle funeste, sans savoir où ils allaient. Toutes les portes s'ouvraient à leur approche. Les dives se prosternaient devant leurs pas. Des magasins de richesses se déployaient à leurs yeux, mais ils n'avaient plus ni curiosité, ni orgueil, ni avarice. Avec la même indifférence, ils entendaient les chœurs des djinns et voyaient les superbes repas qui étaient étalés de toutes parts. Ils allaient, errant de chambre en chambre, de salle en salle, d'allée en allée. Tout autant de lieux sans fond et sans limite, tous éclairés par une sombre lueur, tous parés avec la même triste magnificence, tous parcourus par des gens qui cherchaient leur peau et le soulagement, mais qui le cherchaient en vain, puisqu'ils portaient partout un cœur tourmenté dans les flammes. Évités de tous ces malheureux, qui par leurs regards semblaient se dire les uns aux autres « C'est toi qui m'as séduit, c'est toi qui m'as corrompu », ils se tenaient à l'écart et attendaient dans une angoisse le moment qui devait les rendre semblables à ces objets de terreur. « Quoi ?» disait Nouronnihar. « Le temps viendra-t-il que je retirerai ma main de la tienne ?»« Ah !» disait Vatek. « Mes yeux cesseront-ils jamais de puiser à longs traits la volupté dans les tiens ? Les doux moments que nous avons passés ensemble me seront-ils en horreur ? Non. » Ce n'est pas toi qui m'as mené dans ce lieu détestable. Ce sont les principes impies par lesquels Karatis a perverti ma jeunesse, qui ont causé ma perte et la tienne. Ah, que du moins elle souffre avec nous. » En disant ces douloureuses paroles, il appela un afrite qui attisait un brasier et lui ordonna d'enlever la princesse Karatis du palais de Samara et de la lui amener. Après avoir donné cet ordre, le calife et Nouronnihar continuèrent de marcher dans la foule silencieuse, jusqu'au moment où ils entendirent parler au bout d'une galerie. Présumant que c'étaient des malheureux qui, comme eux, n'avaient pas encore reçu leur arrêt final, ils se dirigèrent d'après le son des voix et trouvèrent qu'elle partait d'une petite chambre carrée où sur des sofas étaient assis quatre jeunes hommes de bonne mine et une belle femme qui s'entretenaient tristement à la lueur d'une lampe. Ils avaient tous l'air morne et abattu, et deux d'entre eux s'embrassaient avec beaucoup d'attendrissement. En voyant entrer le calife et la fille de Fakhreddin, ils se levèrent civilement, les saluèrent et leur firent place. Ensuite, celui qui paraissait le plus distingué de la compagnie, s'adressant au calife, lui dit « Étranger, qui sans doute êtes dans la même horrible attente que nous, puisque vous ne portez pas encore la main droite sur votre cœur. Si vous venez passer avec nous les affreux moments qui doivent s'écouler jusqu'à notre commun châtiment, daignez nous raconter les aventures qui vous ont conduit en ce lieu fatal, et nous vous apprendrons les nôtres, qui ne méritent que trop d'être entendus. Se retracer ses crimes, quoiqu'il ne soit plus temps de s'en repentir, est la seule occupation qui convienne à des malheureux comme nous. Le calife et Nouronnihar consentirent à cette proposition, et Vathek, prenant la parole, leur fit, non sans gémir, un sincère récit de tout ce qui lui était arrivé. Lorsqu'il eut fini la pénible narration, le jeune homme qui lui avait parlé commença la sienne de la manière suivante. Histoire des deux princes amis, Alazi et Firou, enfermés dans le palais souterrain. Histoire du prince Kalila et de la princesse Zulkaïs, enfermés dans le palais souterrain. Le troisième prince en était au milieu de son récit quand il fut interrompu par un bruit qui fit trembler et s'entr'ouvrir la voûte. Bientôt après, une vapeur, se dissipant peu à peu, laissa voir Karatis sur le dos de la frite, qui se plaignait horriblement de son fardeau. Elle sauta à terre, et s'approchant de son fils, lui dit « Que fais-tu ici, dans cette petite chambre ? En voyant que tes livres t'obéissent, j'ai cru que tu t'es placé sur le trône des rois préadamites. » « Femme exécrable, répondit le calife, que maudit soit le jour où tu m'as mis au monde. Bah, suis cet afrite, qu'il te mène dans la salle du prophète Suleyman. Là, tu apprendras à quoi est destiné ce palais qui t'a paru si désirable, et combien je dois abhorrer les impies connaissances que tu m'as données. La puissance où tu es parvenu t'a-t-elle troublé la tête ? Répliqua Karatis. Je ne demande pas mieux que de rendre mes hommages à Suleyman le prophète. Il faut pourtant que tu saches que l'Afrite, m'ayant dit que ni toi ni moi, nous ne retournerions pas à Samara, je l'ai prié de me laisser mettre ordre à mes affaires, et qu'il a eu la politesse d'y consentir. Je n'ai pas manqué de mettre à profit ces instants. J'ai mis le feu à notre tour, où j'ai brûlé tout vif, les muets, les négresses, les torpèdes et les serpents, qui pourtant m'avaient rendu beaucoup de services. Et j'en aurais fait autant au grand vizir s'il ne m'avait pas abandonné pour Motabekel. Quant à Baba Malouk, qui a eu la sottise de retourner à Samara et tout bonnement d'y trouver des maris pour tes femmes, je l'aurais mis à la torture si j'en avais eu le temps. Mais comme j'étais pressé, je l'ai seulement fait pendre, après lui avoir tendu un piège pour l'attirer auprès de moi. Aussi bien que les femmes, je les ai fait enterrer toutes vivantes par mes négresses, qui ont ainsi employé leur dernier moment à leur grande satisfaction. Pour Dilara, qui m'a toujours plu, elle a montré son esprit en se mettant ici près au service d'un mage, et je pense qu'elle sera bientôt des nôtres. Vathek était trop consterné pour exprimer l'indignation que lui causait un tel discours. Il ordonna à l'Afrite d'éloigner Karatis de sa présence et resta dans une mort de rêverie que ses compagnons n'osèrent troubler. Cependant, Karatis pénétra brusquement jusqu'au dôme de Suleyman, et sans faire la moindre attention au soupir du prophète, elle ôta audacieusement les couvercles des vases et s'empara des talismans. Alors, élevant une voix telle qu'on n'en avait jamais entendue dans ces lieux, elle força les dives à lui montrer les trésors les plus cachés, les magasins les plus profonds, que l'Afrite lui-même n'avait jamais vus. Elle passa par des descentes rapides, qui n'était connu que d'Eblis et des plus puissants de ses favoris, et pénétra au moyen de ses talismans jusqu'aux entrailles de la terre d'où souffle le Sanfar, vent glacé de la mort. Rien n'effrayait son cœur indomptable. Elle trouvait cependant chez tout ce monde qui portait la main droite sur le cœur une petite singularité qui ne lui plaisait pas. Comme elle sortait d'un de ses abîmes, Eblis se présenta à ses regards. Mais malgré tout l'imposant de sa majesté, elle ne perdit pas contenance et lui fit même son compliment avec beaucoup de présence d'esprit. Ce superbe monarque lui répondit « Princesse, dont les connaissances et les crimes méritent un siège élevé dans mon empire, vous faites bien d'employer le loisir qui vous reste, car les flammes et les tourments qui s'empareront bientôt de votre cœur vous donneront assez d'occupation. » En disant ces mots, il disparut dans les draperies de son tabernacle. Karatis resta un peu interdite, mais résolue d'aller jusqu'au bout et de suivre le conseil d'Eblis, elle rassembla tous les cœurs des djinns et tous les divs pour en recevoir les hommages. Elle marchait ainsi en triomphe à travers une vapeur de parfums et aux acclamations de tous les esprits malins dont la plupart étaient de sa connaissance. Elle allait même détrôner un des Solimans pour prendre sa place, quand une voix, sortant de l'abîme de la mort, cria « Tout est accompli !» Aussitôt le front orgueilleux de l'intrépide princesse se couvrit des rides de l'agonie. Elle jeta un cri douloureux et son cœur devint un brasier ardent. Elle y porta la main pour ne l'en retirer jamais. Dans cet état de délire, oubliant ses vues ambitieuses et sa soif des sciences qui doivent être cachées aux mortels, elle renversa les offrandes que les djinns avaient posées à ses pieds, et maudissant l'heure de sa naissance et le sein qu'il avait porté, elle se mit à courir pour ne plus s'arrêter ni goûter un moment de repos. À peu près dans ce même temps, la même voix avait annoncé au calife, à Nouronnihar, aux quatre princes et à la princesse, le décret irrévocable. Leur cœur venait de s'embraser, et ce fut alors qu'ils perdirent le plus précieux des dons du ciel, l'espérance. Ces malheureux s'étaient séparés en se jetant des regards furieux. Vatek ne voyait plus dans ceux de Nouronnihar que rage et que vengeance. Elle ne voyait plus dans les siens qu'aversion et désespoir. Les deux princes amis, qui jusqu'à ce moment s'étaient tenus tendrement embrassés, s'éloignèrent l'un de l'autre en frémissant. Kalila et sa sœur se firent mutuellement un geste d'imprécation. Les deux autres princes témoignèrent par des contorsions effroyables et des cris étouffés l'horreur qu'ils avaient d'eux-mêmes. Tous se plongèrent dans la foule maudite pour y errer dans une éternité de peine. Tel fut et tel doit être le châtiment des passions effrénées et des actions atroces. Telle sera la punition de la curiosité aveugle qui veut pénétrer au-delà des bornes que le Créateur a mis aux connaissances humaines. De l'ambition qui, voulant acquérir des sciences réservées à de plus pures intelligences, n'acquiert qu'un orgueil insensé et ne voit pas que l'état de l'homme est d'être humble et ignorant. Ainsi, le calife Vatek, qui pour parvenir à une pompe vaine et à une puissance défendue, s'était noirci de 1000 crimes, se vit en proie à des remords et à une douleur sans fin et sans borne. Ainsi, l'humble, le méprisé Gulchen Rose passa des siècles dans la douce tranquillité et le bonheur de l'enfance. Ainsi s'achève Vatek, conte arabe, de William Beckford.